écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à chaque semaine à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio, au CVR 103.5 FM à Yellowknife, le CFRT 107.3 FM à Iqaluit et à Ottawa, le CHO 89.1 FM. Je m'appelle Mathieu et bien sûr, je suis avec vous pendant une heure. Je vais faire jouer du Punk Sky du Hardcore comme je fais jouer à chaque semaine. On a commencé l'émission avec du Zabriskie Point de l'album Paul. C'était le morceau L'Or et le Cochon. Cochon, Zapriski Point, excellent groupe français qui n'existe plus depuis plusieurs années, mais les membres sont partis faire d'autres choses. Mais un excellent groupe qui nous ont laissé avec une très bonne discographie très complète. Allez, si vous pouvez vous le procurer, je vous suggère fortement. Et je vais continuer avec un groupe que j'ai découvert juste l'autre jour. Le groupe est allemand, ce groupe qui s'appelle War No War. Ils ont sorti un démo, ils viennent du Leipzig, mais ils chantent tout en français apparemment. Leur démo est disponible à partir de leur site web, c'est warnowar.com, je pense. Le groupe a un petit démo de 5 ou 6 titres. Je vais faire jouer le dernier morceau du démo, s'appelle « Nous sommes le roi de rats ». C'est vraiment, vraiment bon et j'espère qu'ils vont nous faire d'autres stocks parce que leur premier démo est très fort, très excellent. Alors, sans trop tarder, voici du War No War avec « Nous sommes le roi de rats » à sous pression. Je suis pas censé pour ma regarde le monde par une fenêtre de cap pour scorer. Je regarde le monde par une fenêtre de cap pour scorer. Je caresse ma laisse wireless, le nez collé à l'écran plat. Je reste meilleur face à la messe. Je tire à travers les judas. J'avance pour le record baissé. Croître dans 4 pouces carrés. Mais j'ai trouvé le Colorado. Dans 4 pouces carrés. Le monde regarde par une fenêtre de 4 pouces carrés. Le monde regarde par une fenêtre de 4 pouces carrés. Je parle réseau, je parle interface, silence radio, radio s'efface. J'avance le record baissé. Cloître dans 4 pouces carrés. Mais j'ai trouvé le Colorado. Dans 4 pouces carrés. J'écoute la chose. Dans 4 pouces carrés. Tu prends les photos. Dans 4 pouces carrés. Dans 4 pouces carrés. Dans 4 pouces carrés. On s'envoie des sextos. Dans 4 pouces carrés. Collé dos à dos. Dans 4 pouces carrés. On se fait la cour. Dans 4 pouces carrés. On fait la cour. Dans 4 pouces carrés. J'avance le record baissé. Cloître dans 4 pouces carrés. J'ai trouvé le Colorado. Dans 4 pouces carrés. C'était Charlie Foxtrot avec leur morceau 4 pouces carrés de l'album La Mèche Courte. Les Erreurs avant ça avec Beaux Animaux, aussi un EP éponyme sorti une couple d'années. Avant ça, du Macache, un 10 pouces éponyme qui a sorti en 2014, c'était le morceau Crève, Épi Crève. Et du War No War, avant ça, on a commencé le bloc avec ça, avec du Nous Sommes le Roi des Rats. War No War et Macache, c'est des groupes que j'ai récemment découverts, sont vraiment vraiment bons. Et les deux albums que j'ai fait jouer des chansons... Les deux albums sur lesquels les chansons que j'ai fait jouer se retrouvent sont disponibles à partir des sites web des deux groupes, alors à prix libre aussi, ou en fait à téléchargement libre. Alors si vous pouvez aller trouver ça et vous le procurer, parce que sont vraiment bons, ils valent la peine d'écouter. Alors c'est ça, je continue la musique avec du Scrap de leur EP Grand Talent pour Dadon Pantoute. C'est le morceau Brûle. Dans son journal, je n'y vois plus qu'une marée sale. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Tachanka, de leur EP éponyme, sorti il y a quelques années. C'est le morceau Né pour être chômeur. Syndrome 81 avant ça, avec le morceau Dans les rues la nuit. C'est le dernier morceau de la plus récente EP des airs urbains qui ont sorti, ça fait presque environ un mois là maintenant. Eric Panic avant ça avec Les fleurs poussent en Palestine, et on a commencé le bloc avec du scrap, du hippie Grand Talon, Grand Talon pas d'adon pas en tout, c'est le morceau Brûle. Je suis certain que le groupe Scrap, ils ont tous des très beaux talons. Je vais continuer en musique avec le bloc sono mondial, mais avant de faire ça, je vous rappelle, surtout à ceux et celles qui écoutent à la radio, que Sous Pression a aussi un site web, c'est souspressionpunk.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web à toutes les semaines. L'émission est vraiment basée à partir du... du site web. C'est comme un peu comme la centrale de l'émission Sous Pression. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller aimer l'émission et vous venir à jour avec ce qui se passe. Et bien sûr, si vous voulez envoyer un message courriel, c'est info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Envoyez-moi un message, demande spéciale, commentaire, des plaintes. Partagez de la musique, allez-y fort, ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Alors c'est ça, je continue maintenant avec le bloc sono mondial, le moment où je fais jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de Madrid. Le groupe s'appelle Juanita y los Feos. Je vais faire jouer, c'est du punk un peu électro, disons. Je vais faire jouer deux morceaux de leur plus récent album, Nueva Numancia. Les morceaux sont Vallecas et En la casa de tu madre. Alors voici du Juanita y los Feos sous pression. ¡Gracias! c'était Juanita y los Feos de l'album Nueva Numancia. C'était le morceau Vallecas et En la Casa de tu Madre. Je continue maintenant avec un bloc un peu plus côté ska, reggae. Commencer avec du Resaca Sonora de leur album Buenaventura, le morceau Nouvelle Virée. En voici du Resaca Sonora à sous pression. on se les fait prescrire. C'est essentiel. Et sans pareil, un dance floor à l'avant pour passer à l'attaque. Son pour les oreilles. À qui veut bien l'entendre, pour la scène à bien plus loin. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. les yeux une utopie. Dans les veines, un torrent qui jaillit. Sur la peau de les graffitis. C'est comme ça qu'on est ici, à invoquer les esprits du tonnerre et de la nuit. Tant pour pas danser parti. Rejoins notre confrérie, la raya des sans-patrie. Pas besoin de cérémonie, c'est le destin qui nous choisit. C'est comme ça qu'on est ici, à invoquer les esprits du tonnerre et de la nuit. Tant pour pas danser parti. Allez, nous sur le pont ce soir, sous le sombre étendard, prêt pour le grand chambard. Allez les Spartakites! C'était du Crève-Cœur avec le morceau Tambour battant Spartakids de l'album L'Aube se lève toujours. Du Crève-Cœur, groupe, je pense plus qu'il existe, je sais pas. Je sais que c'était un groupe composé de quelques anciens membres de Les Partisans. Et Les Partisans ont repris leurs activités à la fin de l'année 2015. Ils ont fait quelques petits concerts. Ensuite, un grand concert de leur réunion officielle au mois d'octobre à Lyon avec les groupes. Qui d'autre avait joué, voyons, c'était Los Respuntos et Yabasta. Dans le fond, j'ai fait une émission spéciale avec le thème ce concert-là. Alors, si vous voulez écouter ça, allez visiter souspressionpunk.com, descendez un peu au mois d'octobre et vous allez trouver ça, au mois d'octobre 2015, pour être précis. Du trouble avant ça avec les Ghetto Bouillon de leur EP éponyme, sorti en 2015. Two Stone to Skank, c'était le morceau Vanessa. Soul and Spirit avant ça avec Habitude, Attitude de l'album, du EP Une Allumette. Et on a commencé avec du Resaca Sonora, le morceau Nouvelle Virée de l'album Buenaventura. Alors, j'ai pas grand chose à dire à part de ça. L'émission tire à sa fin. Je vous fais jouer un dernier morceau par du Gerbia de leur album, le plus récent album Lâche l'école, qui est sorti en 2014. Le dernier morceau de l'album, Palme ton âme pour le rock'n'roll. Très bon morceau tiré d'un très bon album. Le groupe Gerbia qui vient, je pense pas qu'il vienne de Québec, ou vient peut-être des alentours de la ville de Québec. Mais un groupe que j'ai jamais eu la chance de voir en concert. Quelqu'un qui m'avait dit que le groupe était déjà venu à Toronto, jouait avec un autre groupe, mais je sais pas si ça a dû être peut-être avant que je suis arrivé ou avant que je les connaisse, ou j'ai peut-être pas eu entendu parler du concert, ce qui est quelque chose qui est très possible. Alors c'est ça, je vais me laisser avec un dernier morceau de Gerbia, Pend ton âme pour le rock'n'roll. Une très bonne idée si vous avez un âme à panner, si vous allez panner pour quelque chose, ou deux semaines le panner pour quelque chose comme le rock'n'roll. Tiré de l'album Lâche l'école, voici du Gerbia, passez une excellente semaine. Plan B, tu m'as pas.